Tiens, tiens. Mais quelle merveille! Le père s'oreille, hein? Ouh, j'ai peur à l'aide! Alors c'est toi le phénomène dont tout le monde parle! Tu veux rire? Tu veux rire? C'est démentiel, mon œil! Tu te fiches de moi? Tu fais pas le poids? Je le crois pas, t'es le ringard! T'es qu'une loque! T'es antique! Un docker arthritique! Je crois bien que je vais péter une maille, ou peut-être bien que je vais crever de rire! Quand monsieur Wu qui boogie jette un type sur la roulette, on peut éviter qu'il y ait trop de casse en jouant un pair et passe. Si jamais tu perds la boule, c'est que t'es pas vraiment cool! Oh, c'est vraiment insoutenable, les jeux sont faits, ça roule. Wow, wow, wow, rien de plus, les jeux sont faits. Détachez chez moi ou on vous fera payer pour tous vos méfaits. Les enfants n'attendent plus que moi, j'aimerais que vous le compreniez. Tu veux rire? J'en crois pas mes oreilles! C'est pas vrai, ce type est incroyable! Jamais rien vu de pareil! Un vrai clown, impayable! T'es vraiment trop mon pote! Tout de suite, avec ta permission, je vais te faire voir quel poids je me chauffe! Mais vous allez faire quoi? Je vais faire de mon mieux, très cher! Oh! D'un simple coup de dé, j'ouvre le musée des horreurs! Au casino, je prends mon pied, sauf que je suis mauvais joueur! Ce qui m'éclate, c'est de pouvoir jouer une vie à pile ou face. Je veux parler toi, bien sûr, mon pote, et je crois que tu seras coriace. Libérez-moi vite, ou vous aurez à répondre de ce crime infâme. Oh, vieux frère, t'es super, t'as mis en plein dans le mille. Je crois que t'as pas bien saisi que ta vie ne tient qu'un fil. T'es zéro, t'es fini, ton compte est bon, crétin. Je suis monsieur Oogie Boogie, par contre, toi, tu n'es plus rien.